elle prie, et la mauve, au cri rauque et moqueur, l'importune, et parmi les écueils en décombre, l'océan l'épouvante, et toutes sortes d'ombres passent dans son esprit. La mer, les matelots, emportés à travers la colère des flots. Et dans sa gaine, ainsi que le sang dans l'artère, la froide horloge bat, jetant dans le mystère, goutte à goutte, le temps, saison, printemps, hiver. Et chaque battement, dans l'énorme univers, ouvre aux âmes, et scinde de tours et de colombes, d'un côté les berceaux, et de l'autre les tombes. Elle songe, elle rêve, et tant de pauvreté. Ses petits vont pieds nus, l'hiver comme l'été. Pas de pain de froment, on mange du pain d'orge. Ô Dieu, le vent rugit comme un soufflet de forge, la côte fait le bruit d'une enclume, on croit voir les constellations fuir dans l'ouragan noir comme les tourbillons d'étincelles de l'âtre. C'est l'heure où, gai danseur, minuit rit et folâtre sous le loup de satin qui illumine ses yeux. Et c'est l'heure où minuit, brigand mystérieux, voilé d'ombre et de pluie et le front dans la bise, prend un pauvre marin frissonnant et le brise au rocher monstrueux apparu brusquement. Horreur. L'homme, dont l'onde éteint le hurlement, s'enfonce et s'enfoncer le bâtiment qui plonge. Il sent s'ouvrir sous lui l'ombre et l'abîme, et songe au vieil anneau de fer du quai plein de soleil. Ses mornes visions troublent son cœur, pareil à la nuit. Elle tremble et pleure. Ô pauvre femme de pêcheur, c'est affreux de se dire, mes âmes, père, amant, frère, fils, tout ce que j'ai de chair, c'est là, dans ce chaos. Mon cœur, mon sang, ma chair. Ciel, être en proie aux flots, c'est être en proie aux bêtes. Oh, songez que l'on joue avec toutes ses têtes, depuis le mousse enfant jusqu'au mari patron, et que le vent hagard, soufflant dans son clairon, dénoue au-dessus d'eux sa longue et folle tresse, et que peut-être ils sont à cette heure en détresse, et qu'on ne sait jamais au juste ce qu'ils font, et que pour tenir tête à cette mer sans fond, à tous ces gouffres d'ombre où ne luit nulle étoile, ils n'ont qu'un bout de planche avec un bout de toile. Souci lugubre. On court à travers les galets, le flot monte, on lui parle, on crie, « Oh, rends-nous-les !» Mais, hélas, que veut-on que dise à la pensée, toujours sombre, la mer toujours bouleversée. Jeannie est bien plus triste encore. Son homme est seul, seul dans cette âpre nuit, seul sous ce noir linceul. Pas d'aide. Ses enfants sont trop petits. Ô mère, tu dis, s'ils étaient grands, leur père est seul. Chimère. Plus tard, quand ils seront près du père et partis, tu diras en pleurant, ô, s'ils étaient petits.